Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée de Jean-Pierre Luminet. Bonsoir Jean-Pierre Luminet. Bonsoir. Et merci d'être avec nous et de vous être prêté au jeu de cette nuit rêvée. C'est vous qui avez choisi les émissions que l'on entendra tout au long de la nuit. On sera ensemble jusqu'à 7h du matin. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'astrophysique de Marseille et de l'observatoire de Paris-Meudon. Mais vous êtes aussi tour à tour essayiste, romancier, poète, musicien et encore dessinateur et sculpteur. En astrophysique, vos recherches ont porté tout particulièrement sur les trous noirs et vous avez l'art de donner à vos hypothèses scientifiques des noms particulièrement chantants. Vous avez ainsi étudié la formation de crêpes stellaires flambées. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Puis dans le domaine de la cosmologie, vous avez inventé ce très joli concept d'univers chiffonné. Il faut mentionner également que l'astéroïde numéro 5523 porte votre nom. Clin d'œil et hommage des scientifiques qui l'ont découvert en 1991 à vos travaux. On retrouvera dans le choix des émissions cette nuit cet éclectisme qui caractérise votre double pratique de chercheur en sciences et d'artiste au fond. Il sera question du destin de l'univers, bien sûr. On s'intéressera notamment au Big Bang, à la relativité d'Einstein, à la grande querelle de l'héliocentrisme qui a traversé la Renaissance. Mais vous avez aussi choisi de mettre à l'honneur des écrivains, des poètes, un musicien et un peintre. On entendra ainsi cette nuit les voix de Jean-Claude Carrière, de Jacques Reda, de Raymond Queneau, de Thelonious Monk et les mots de Van Gogh dans un choix de lettres écrites à son frère Théo. Vous allez nous dire de quelle façon chacun de ces créateurs compte pour vous. Mais pour commencer notre discussion, je voudrais vous interroger sur votre parcours. J'ai été très frappée en lisant la préface de l'un de vos livres qui s'intitule « Illumination, cosmos et esthétique » par le fait que vous racontez comment enfant, dans le midi de la France, vous êtes né à Cavaillon, vous passiez certaines de vos nuits à contempler le ciel. Jusque-là, rien de très étonnant. Mais vous dites qu'en fait, bien plus que l'observation des étoiles ou des astres, c'est un intérêt pour le vide qui vous a conduit du côté de l'astrophysique. Ça m'a intéressé parce que c'est loin d'une image un peu stéréotypique de l'astrophysicien dont la vocation, pense-t-on, naîtrait forcément de l'amour de l'observation des étoiles. C'était quoi cet intérêt pour le vide, Jean-Pierre? Oui, c'est vrai, je vivais à la campagne et lorsque je regardais forcément le ciel en sortant, je ne le regardais pas avec l'œil de l'astronome, que je n'ai jamais été. Puisqu'on en parlera plus tard, je suis devenu astrophysicien, mais je suis réellement un théoricien manipulant des équations et des concepts. Et donc je le regardais déjà avec un œil contemplatif, je dirais. Vivant la campagne, j'avais déjà un certain rapport naturel avec la nature qui m'entourait. Je passais beaucoup de temps dans mon jardin, j'ai observé la vie des insectes, par exemple, pousser les fleurs, ce genre de choses. Et que lorsque, effectivement, je tournais les yeux vers le ciel, au-delà, effectivement, de la beauté si célébrée des cieux provençaux, dont Van Gogh, notamment, se fait l'écho, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, j'ai écrit, et c'est tellement vrai, que ce qui m'interpellait, c'était pas simplement les épingles lumineuses des étoiles, qui font tout de même, effectivement, des beaux cieux provençaux, mais c'était plus ce qu'il y avait entre, c'est-à-dire ce noir, cet invisible, qui déjà m'interpellait et me posait des questions. Est-ce que c'est le vide? Est-ce que ce noir? Ou est-ce que ce noir ne contiendrait-il pas, au contraire, l'essentiel de l'univers? C'est des questions que je me posais, mais vraiment tout enfant. Donc c'était à la fin des années 50. On ne savait rien à l'époque sur le plan de l'astrophysique, de la cosmologie, sur le fait qu'effectivement, ce que l'on découvrirait bien plus tard, que le ciel et l'univers est effectivement gouverné par des formes de matière et d'énergie qui sont noires. Et donc effectivement, l'essentiel se trouve dans le noir. Mais ce noir, justement, au lieu d'être le rien, l'absence de toute chose, l'absence de lumière, c'est potentiellement ce qui contient tout. Et ce qui a été fascinant après dans une grande partie de mon travail, c'était de reconstituer finalement de quoi est, fait ce noir, de quoi est-il peuplé? Est-ce qu'il a d'abord une chair? Est-ce qu'il a une texture? Et puis quels sont les astres noirs qui sont dans ce ciel noir entre les étoiles que l'on ne voit pas et qui forment essentiellement, qui nous donnent finalement le discours le plus profond que l'on peut avoir sur l'univers, cet univers invisible sur lequel évidemment on aura l'occasion d'y revenir. Et donc cet aspect contemplatif que j'ai toujours conservé a fait que je me suis tout d'abord, dans cette enfance contemplative, j'ai commencé effectivement à exercer beaucoup de mes passions dans beaucoup de domaines différents, parce que je m'interrogeais sur le monde, mais pas uniquement à travers une seule lucarne, qui pourrait être la lucarne de la science, dont de toute façon, à cette époque, je ne possédais évidemment aucun des langages, bien entendu. Et donc, très vite, voilà, ma passion s'est portée vers des formes d'expression artistique, la musique, la peinture, le dessin, l'écriture, la littérature, la poésie, voilà. Et finalement, les sciences sont venues relativement tard, parce que finalement aussi, il faut une certaine maîtrise, une certaine technique, évidemment, pour pouvoir commencer à répondre aux questions. Qu'est-ce que c'est que le noir? Qu'est-ce qu'il y a entre les étoiles? Bon, quand on a 8-9 ans, on n'a pas de réponse claire à donner. Après, il faut un outillage, un arsenal mathématique assez important pour y répondre. Et finalement, c'est ce qui a décidé, relativement tardivement, de ma vocation de chercheur. Je pense, Jean-Pierre Luminet, à un vers d'un de vos poèmes qu'on peut lire dans votre recueil Itinéraire céleste. Vous écrivez « Me plaît le noir sang du vide interstellaire ». De façon générale, quel est le rapport que vous entretenez à la nuit? Est-ce que pour vous, la nuit est synonyme de calme, de bien-être, ou est-ce qu'au contraire, c'est un terrain d'angoisse? Alors pour moi, pas du tout d'angoisse. Je n'ai jamais ressenti la fameuse angoisse du libertin athée de Pascal face à l'immensité interstellaire. Non, c'est le moment de la réflexion. C'est le moment où à la fois s'ouvre les yeux de la nuit qui sont les yeux des étoiles et où s'ouvrent également les yeux de l'esprit qui sont de l'homme qui s'interroge. Pas forcément seulement l'astronome, hein, bien entendu, ou l'astrophysicien. Le philosophe, le penseur, le poète, le musicien. Beaucoup travaillent la nuit, source d'inspiration. Alors évidemment, le calme qui est censé s'instaurer la nuit, hein, si on n'est pas au côté d'une boîte de nuit parisienne ou je ne sais quoi, que je n'ai jamais fait bien entendu, est propice évidemment à ce moment de recueillement et de réflexion. Et voilà. C'est votre cas, donc, vous travaillez la nuit? Même si aujourd'hui, je dois dire que je passe l'essentiel de mes nuits à dormir, parce que je dors beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, malgré la débauche de mes activités, c'est effectivement la nuit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi, une part fondamentale de la nuit, c'est pas seulement le regard de l'œil physique vers le noir et les quelques lumières de la nuit, c'est également le travail interne qui peut se faire également pendant le rêve. Et ça a joué aussi un rôle très très important dans beaucoup de mes travaux et de mes réflexions. L'esprit travaille en tâche de fond lorsque l'on dort, et il y a des choses merveilleuses parfois qui se révèlent au réveil parce que notre esprit y a pensé. Vous nous disiez que vous étiez enfant autant intéressé par les modes de création et d'expression artistique que par les sciences. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que malgré tout c'était du côté des sciences et en particulier de la physique que vous alliez faire votre chemin professionnel? Assez tardivement, disons, les sciences, aussi bien les sciences dures qu'également les sciences naturelles, m'intéressaient beaucoup, mais plutôt un petit peu comme une sorte de dictionnaire naturel de la nature, et dans lequel d'ailleurs j'ai passé une grande partie de mon enfance un petit peu en solitaire, ou soit avec mon frère également, à compulser d'énormes dictionnaires pour y chercher des choses extraordinaires, et je m'amusais, je m'en rappelle, dans de grands classeurs à noter les longueurs des grandes rivières, les superficies des plus grands lacs, tout un ensemble de choses comme ça, y compris je m'intéressais aux espèces d'oiseaux, aux espèces de reptiles, tout ça, je classais ça. Bon, c'est un petit peu le côté aristotélicien du classement, ce genre de choses. Voilà. Mais et en parallèle aussi, du coup, je classais un petit peu les constellations, les noms d'astéroïdes que je découvrais dans ce dictionnaire. Hein, voilà. Mais sans avoir du tout l'idée qu'un jour je deviendrais chercheur. Je ne savais même pas ce que c'était que ce chercheur, qu'être réellement chercheur. Donc finalement, ça a été le fait que j'avais des facilités en mathématiques qui ont fait que, effectivement, j'ai suivi les filières normales et souhaitées en général par les parents lorsqu'ils voient leur fils doué en mathématiques. Voilà. Alors donc, j'ai fait mes études de mathématiques. Ça me plaisait beaucoup parce que ça correspondait justement un petit peu à mon esprit plutôt tourné vers l'abstraction. Vous savez, j'ai jamais démonté un poste de radio pour voir comment ça fonctionnait. Ça, pour moi, la technologie, c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Voilà, donc cette pratique des mathématiques qui s'était faisait mon goût de l'abstraction me permettait également justement de disposer beaucoup de temps d'un côté, parce que vous savez, en maths, quand vous êtes bon en maths, vous avez des facilités, vous n'avez pas besoin de vraiment travailler, vous résolvez les problèmes rapidement. Hein. Voilà, c'est pas pareil lorsque l'on fait des études en philosophie où il faut énormément lire ce genre de choses. Voilà, donc ça me laissait justement pleinement le temps de m'adonner à mes autres, ce que j'allais dire, mes vraies passions. Je répète, donc la musique, le dessin, la poésie, la littérature, mais évidemment aller poussant mes études assez loin dans le domaine des mathématiques jusqu'à une maîtrise. Alors là, effectivement, il s'est passé des choses bien intéressantes qui ont finalement décidé de mon parcours futur. C'était simplement la lecture de deux ou trois ouvrages de l'époque qui commençaient à parler en termes relativement vulgarisés, mais pas trop. Hein, voilà, du Big Bang, des trous noirs. Mais même c'était une époque où encore on ne savait pas grand-chose sur ces concepts-là. Et je me souviens justement un petit peu une image, on fonctionne, je pense aussi, notre imaginaire fonctionne avec des images primordiales, des images primitives, ou sorte d'archétype de la pensée. Et parfois, c'est un terme à connotation un peu poétique qui peut déclencher quelque chose. Et je me souviens très bien avoir lu dans une encyclopédie, je devais avoir 15-16 ans à peine, petite encyclopédie qui parlait de l'astronomie, de l'univers en général, que je lisais parmi d'autres encyclopédies. À la fin, il y avait une page, qui était une seule page, qui était consacrée à la relativité générale d'Einstein, qui était forcément une page extrêmement vulgarisée, bien entendu. Mais dans cette page, je lis l'espace-temps en la forme d'un mollusque. Et moi, cette image-là m'a absolument stupéfié. Comment l'espace, l'univers peut-il avoir la forme d'un mollusque? Et finalement, c'est vrai que ce type de phrase déclenche quelque part une interrogation profonde. Et après, ben, je n'ai eu de cesse d'expliciter ce que c'était que ce mollusque d'espace-temps, d'où on passe à la relativité d'Einstein, l'espace-temps courbe, puis après, plus tard, les formes étranges de l'univers que j'ai développées à travers mes modèles d'univers chiffonnés, et puis également, après, toutes ces puits gravitationnels étonnants, enfin, ces formes et courbures de l'espace-temps qui peuvent aller si loin que l'on a des puits de gravitation, que l'on appelle évidemment les trous noirs, et qui, dès que j'en ai entendu parler, m'ont évidemment fasciné, et j'y ai consacré de nombreuses années de recherche pour expliciter le noir des trous à travers la lumière qui est autour. Alors justement, je voudrais qu'on explique un peu de quoi il s'agit, ces curieux objets dont on parle aujourd'hui pas mal, hein, les trous noirs, mais qui, je crois, à l'époque où vous avez commencé à vous y intéresser, n'étaient pas tellement objet de curiosité, ni de la part du grand public, mais pas non plus de la part de la communauté scientifique. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, à nous néophytes, hein, qu'est-ce qu'un trou noir, Jean-Pierre? Oui, alors c'est vrai que donc dans la seconde moitié des années 70, lorsque j'ai commencé effectivement à faire mes premières investigations de chercheurs, les trous noirs restaient une hypothèse purement théorique. Il y avait déjà un corpus théorique développé, mais absolument aucune observation de quoi que ce soit suggérant qu'ils puissent exister dans l'univers. Ce qui m'a intéressé, c'était pas tellement de révéler leur existence, parce que pour ça il aurait fallu que je sois astronome observateur, fasse ce genre de travail. Voilà, donc ce qui m'a intéressé, c'est justement les distorsions étranges, les mirages que les trous noirs, avec les courbures extraordinaires qu'ils impriment à l'espace-temps, et du coup les rayons lumineux qui tissent la forme de l'espace-temps, qui épousent également finalement les distorsions que le trou noir imprime dans son voisinage et produit des illusions d'optique, des images multiples, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé à l'Observatoire de Paris pour poursuivre mes recherches, que j'avais initialement à Marseille et puis un petit peu à l'Université de Montpellier, après quelques travaux assez abstrus qui n'avaient rien à voir avec les trous noirs, mais qui m'ont permis de passer une thèse de physique théorique, j'ai été le premier, effectivement, à me questionner, mais alors ces trous noirs, puisque les trous noirs, pardon, je n'ai pas donné une définition claire et simple, le trou noir. Le trou noir, c'est, en termes d'astrophysique en tout cas, c'est un astre dont le champ de gravité, qui est engendré par sa masse et la masse concentrée dans un certain volume, dont le champ de gravité est si grand que plus rien ne va pouvoir s'en échapper, pas même la lumière. Voilà. Alors évidemment, pour comprendre réellement mieux les trous noirs et les formaliser de façon correcte, il ne faut pas se contenter de la gravitation habituelle à la Galilée, à la Newton. Il faut passer effectivement à la relativité Charles d'Einstein, qui visualise, si vous voulez, l'espace-temps comme une sorte de tissu élastique avec des courbes et des formes. Et on peut réellement avoir des puits de gravitation lorsque précisément la matière se condense dans des formes extrêmement massives ou extrêmement denses. Et on sait qu'effectivement, par exemple, à la fin de leur vie de lumière, les étoiles les plus massives subissent un effondrement gravitationnel de leur cœur. Et cet effondrement gravitationnel peut être suffisamment puissant pour provoquer précisément un puits de gravitation dans la texture même de l'espace-temps et de son tissu élastique, au point que lorsque l'on franchit ce bord du puits, on tombe dedans et on ne peut pas en ressortir. Et c'est ça, en fait, la définition relativiste d'un trou noir. Ça veut dire que le trou noir, donc, va être bordé par une frontière qui n'est plus du tout une surface solide ou gazeuse, comme celle des astres ordinaires, mais simplement c'est une zone de l'espace-temps dans laquelle vous pouvez rentrer sans problème, mais c'est une zone de non-retour, un petit peu comme l'enfer de Dante, hein, vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Voilà. Et donc, le premier travail que j'ai fait sur le trou noir, alors justement, on en reparle beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a une actualité dont je vais vous parler. Le premier travail que j'ai fait, c'était essayer de visualiser à quoi il pourrait ressembler. Alors, ça paraît bizarre comme question, puisque le trou noir, par construction, il est invisible, puisqu'il n'émet pas de lumière. Alors, pour convaincre, justement, les astrophysiciens de l'époque, je débarquais dans un observatoire essentiellement entouré, non pas de théoriciens comme moi, mais d'astronomes, je voyais bien que le trou noir ne convainquait pas, puisqu'il n'y avait aucun indice expérimental qui puisse exister. Puis, ils se disaient, mais si c'est invisible, on ne le verra jamais, donc à quoi ça sert? Voilà. Et donc, l'idée, c'était d'imaginer des situations astrophysiques plausibles où le trou noir n'était pas nu, mais était habillé. Habillé de quoi? Habillé de matière, habillé de gaz, entouré d'étoiles, par exemple. Et c'est le comportement, en fait, de ce gaz ou de ces étoiles autour de ces trous noirs qui allait révéler indirectement la présence du trou noir lui-même. Et qui permet de les représenter, voilà. Donc, d'en donner une représentation. On a ici un exemple très particulier de ce qui se développera beaucoup plus tard, c'est comment on peut révéler l'invisible à partir de quelques épingles lumineuses qui bougent et qui sont affectées par cet invisible. Et finalement, on traque l'invisible à partir de mouvements et de l'observation du visible qui est agité par cet invisible-là. Et donc, voilà, en 1978, j'ai utilisé l'unique ordinateur de l'époque que possédait l'Observatoire de Paris, qui était un énorme ordinateur qui occupait une salle entière. C'était l'époque où on avait encore des cartes perforées, ce genre de choses. Donc, j'ai créé un programme pour calculer à quoi ressemblerait un trou noir entouré de ce qu'on appelle un disque d'accrétion, c'est-à-dire, en fait, un anneau de gaz brillant. Et ça, c'est une situation astronomique tout à fait normale et tout à fait typique. Mais évidemment, au lieu de voir ce système comme on peut voir les anneaux de Saturne, par exemple, avec une partie cachée, si on est un petit peu au-dessus du plan, eh bien, le calcul montre que, et l'intuition géométrique également, ce qui est très important avant de passer au calcul, montre que le trou noir ne cache rien de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps relève les images arrière du disque, on voit la totalité du disque, et ensuite on voit également le dessous, ce qui est tout à fait extraordinaire. Donc, on crée véritablement, par un essai de l'anti-gravitationnel, on crée des effets d'optique extraordinaires. Et j'ai eu grand plaisir, donc, en quelques mois, donc, à calculer cette première image, donc, d'un trou noir entouré d'un disque d'accrétion. Ça ressemble à une sorte d'œil dans le ciel, entouré d'un halo lumineux. Voilà. Et puis, d'ailleurs, une petite anecdote qui fait un lien également avec ma passion de la poésie, c'est qu'après avoir calculé cette image, en lisant un jour un recueil de poèmes de Gérard de Nerval, un extrait de son recueil qui s'appelle Les Chimères, j'ai trouvé deux strophes absolument extraordinaires qui était une légende parfaite à cette image que j'avais calculée, évidemment, de façon avec les équations les plus compliquées de la relativité générale. Alors, je ne sais pas si ma mémoire va fonctionner comme ça directement au micro. En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'une orbite vaste, noire et sans fond, d'où la nuit qui l'habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dans le néant et l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. C'est magnifique parce qu'on a ici un exemple que je développerai après par la suite dans d'autres ouvrages, notamment Les Poètes et l'Univers, de la façon dont également peut fonctionner l'imaginaire et l'intuition du poète face à l'univers, tout en ignorant totalement les données scientifiques, parce qu'à l'époque de Nerval, c'est 1848 ce texte-là, on ne parlait absolument pas des trous noirs. Vous avez fait allusion au fait que les trous noirs sont revenus sur le devant de la scène tout récemment. Je pense que vous faites allusion au fait que, à cette observation extraordinaire qui a fait trembler le monde scientifique récemment, le fait qu'en septembre 2015, on a mesuré le passage sur Terre d'une onde gravitationnelle émise il y a 1,3 milliard d'années, nous dit-on, par la fusion de deux trous noirs. C'est une observation qui avait été annoncée officiellement quelques mois après et qui a valu le prix Nobel de physique à trois scientifiques qui l'ont rendu possible. Est-ce que cette observation prouvait aussi que les trous noirs existaient ? Est-ce que, puisqu'on nous dit cette onde gravitationnelle est née de la fusion de deux trous noirs, est-ce que c'était la première confirmation de leur existence ? Alors disons que jusqu'à ces observations de détection d'ondes gravitationnelles, qui étaient attendues depuis au moins un siècle, manquaient simplement les moyens technologiques pour détecter cette amplitude invraisemblablement faible de ces vibrations d'espace-temps, on avait tout de même d'excellents candidats trous noirs, mais toujours de façon indirecte. À la fois, effectivement, les trous noirs entourés de disques d'accrétion, dont j'avais calculé l'image. Après, évidemment, on a commencé non pas à voir directement ces disques d'accrétion, mais indirectement, la lumière et le rayonnement électromagnétique extrêmement énergétique qu'ils émettent. Donc on avait observé ce qu'on appelle les sources X binaires, qui sont des couples d'étoiles dans lesquels un trou noir aspire l'enveloppe gazeuse de son partenaire, et avant de disparaître, le gaz arraché à l'étoile normale émet des rayonnements extraordinaires. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dire, mais oui, les trous noirs existent bel et bien. Et c'était justement à l'époque où j'ai commencé à faire également ce premier dessin. Mais donc ce n'était que des arguments, des supports indirects. Pareil avec mes crêpes stellaires que j'ai calculées plus tard, il n'y avait que le trou noir qui était capable de briser des étoiles, de les aplatir comme des crêpes et d'en faire des flambées. Alors voilà. Il faut que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce que c'est que, rapidement, si vous pouvez, en deux mots, qu'est-ce que c'est que ces crêpes stellaires flambées. Après avoir calculé cette image, au début des années 80, j'ai poursuivi cette interrogation, comment révéler les trous noirs par le comportement de la matière qui tourne autour. Alors, des petits trous noirs ou des gros trous noirs peuvent être entourés de disques de gaz, donc c'est les disques d'accrétion dont je parle, mais également des très gros trous noirs, ceux que l'on trouve au centre des galaxies, par exemple au centre de notre propre galaxie, peuvent être entourés, et sont entourés généralement, d'un amas d'étoiles. Alors, vous avez un amas d'étoiles, et dans ces étoiles-là, vous avez des trajectoires diverses et variées, il y en a qui vont frôler le trou noir, il y en a même qui vont tomber dans le trou noir géant, donc il ne va pas se passer grand-chose, sinon que l'étoile disparaît à la vue, mais ce qui est intéressant, et à l'époque, c'était absolument pas connu sur le plan expérimental, donc ça c'est bien la démarche de l'astrophysicien théoricien qui pose une hypothèse physiquement plausible, même si on n'en a encore jamais observé au télescope. Donc l'hypothèse que j'avais posée, c'est que, bon, probablement il existe des trous noirs géants au sein des galaxies, probablement il y a des étoiles qui vont le frôler, un petit peu comme des comètes qui vont frôler le Soleil. Qu'est-ce qu'il arrive à ces étoiles? Vous mettez ça en équation et vous trouvez que pendant la traversée d'une zone critique, l'étoile est aplatie violemment en quelques heures dans le plan de son orbite, sous la forme de ce que j'ai appelé pancake en anglais, parce que tous les articles sont écrits en anglais, donc une crêpe stellaire. Et à mesure qu'elle est aplatie, évidemment la température et la pression montent et elle finit par exploser, ça crée une grande flambée de rayonnement. Donc j'ai écrit tout un ensemble d'articles sur les crêpes stellaires flambée et toutes les conséquences que l'on pourrait avoir. Et c'était finalement une signature indirecte de l'existence des trous noirs, signature qui a été découverte effectivement une quinzaine d'années plus tard, alors que j'étais passé à d'autres sujets. Et aujourd'hui, couramment, on observe des crêpes stellaires flambées dans l'univers, dans les galaxies lointaines. Juste à propos de ces ondes gravitationnelles, donc finalement, ça a été la première confirmation non indirecte, parce que vraiment, la fusion de deux trous noirs, il n'y a pas de rayonnement électromagnétique qui sort, et donc cette onde gravitationnelle, c'est vraiment la caractéristique qui avait déjà été calculée auparavant par des théoriciens de ce qui doit se passer lorsque deux trous noirs fusionnent. Mais en fait, ça je ne l'ai pas dit, pourquoi cette image que j'ai faite il y a exactement 40 ans, je l'ai publiée en 1978, est d'actualité aujourd'hui? Eh bien parce qu'il y a quelque chose que je ne m'attendais pas du tout à l'époque. À l'époque, j'imaginais pas que de mon vivant, on puisse avoir un télescope suffisamment puissant pour réellement voir ce qu'on appelle l'horizon des événements de notre trou noir. L'horizon des événements, c'est le nom que l'on donne à la surface de notre trou noir, qui, je répète, n'est pas une surface solide, c'est juste une zone de non-retour, donc cela ressemble à une sphère noire. Donc en elle-même, on la voit pas. Oui, mais si cette sphère noire est entourée d'un disque de gaz, eh bien on va voir le disque de gaz d'une façon particulière. Eh bien, pour la première fois, des observations qui ont été faites en 2017 par un ensemble de radiotélescopes répartis à travers la planète entière et qui sont l'équivalent finalement d'un radiotélescope unique qui aurait la taille de la planète. Ça fait un radiotélescope tellement grand qu'il a ce qu'on appelle une résolution angulaire, c'est-à-dire une finesse de regard suffisante pour traquer pour la première fois le trou noir géant qui est au centre de notre galaxie, qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil, dont l'image apparente sur le ciel n'est pas plus grande que l'image d'une pièce de 1 euro placée sur la Lune. Et donc, il faut un télescope géant pour l'observer. Et cette image, elle est en train d'être calculée, parce que les observations ont été faites en 2017 par 8 radiotélescopes. Les images, les données, la masse de données est tellement considérable qu'il faut plusieurs mois pour traiter l'information. Et l'image va être donnée dans le premier semestre 2018. Et ce sera très probablement l'image que j'ai calculée il y a 40 ans. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans une recherche, très souvent, vous partez, non pas à l'aveugle, mais avec une dimension de risque assez impressionnante, puisque quand vous vous lancez, vous n'avez d'abord aucune confirmation que l'objet sur lequel vous enquêtez, pour le dire un peu vite, existe réellement ou va avoir une confirmation. Le risque, ça fait partie de votre métier de chercheur. Et oui, vous utilisez un mot qui m'est très cher, parce que on vit aujourd'hui dans une société où le risque est éliminé, on ne veut pas entendre parler. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans la recherche en physique fondamentale, c'est le risque. C'est-à-dire, on explore des voies. Alors évidemment, ce sont des risques intellectuels, bien entendu, hein, ce ne sont pas des risques physiques. On n'est plus à l'époque de Giordano Bruno qui prenait des risques en parlant de la pluralité des mondes invités pour finir sur le bûcher. Heureusement, bon, il y a des risques intellectuels, des risques d'être rejetés par la communauté scientifique si on est trop en dehors des sentiers battus, mais c'est ça qui m'intéresse. Le risque, c'est-à-dire de commencer à penser à des sujets qui sont effectivement étayés par des modèles mathématiques, QRA, etc., mais qui sont un petit peu en dehors du courant. Et donc, à explorer ces choses nouvelles, et c'est un risque parce qu'on n'a aucune garantie, on n'a aucune garantie de résultat. Et c'est vrai que l'histoire des sciences, dont on aura probablement l'occasion de parler, fourmille comme ça de trouvailles extraordinaires, de chercheurs, de savants qui ont eu des idées extraordinaires, qui ont passé une partie de leur vie, voire leur vie entière, à explorer des pistes. Et finalement, ces pistes se sont pas avérées des bonnes pistes. Donc, ils ont pris des risques. Mais ce sont pas des échecs, hein, parce que les échecs servent évidemment à permettre de revenir en arrière, explorer d'autres pistes. Et en général, les outils que l'on développe sur des pistes qui n'aboutissent pas sont utilisables dans d'autres pistes. Toute l'astrophysique contemporaine, Jean-Pierre Luminet, on l'entend dans ce que vous dites, se situe aujourd'hui dans le champ de la théorie de la relativité générale mise au jour par Einstein. Vous nous avez dit comment votre propre vocation de chercheur en physique était née de cette formule « l'espace-temps à la forme d'un mollusque ». On écoutera ce soir une émission qui rend hommage au fond à cette théorie, émission que Michel Alberganti avait consacrée à la relativité générale pour célébrer son centenaire en 2015. Il avait reçu 3 de vos confrères, Marc Lachiezeray, que vous connaissez bien, avec qui vous avez travaillé. J'ai collaboré, oui. Françoise Balibar et Jean Eisenstadt, qui donnaient quelques éléments pour la rendre intelligible. L'émission Science publique était intitulée « Peut-on comprendre la relativité d'Einstein ?» Vous qui avez écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation, même si vous n'aimez pas beaucoup ce terme, je crois, c'est une question que j'ai envie de vous adresser. Est-ce qu'à votre avis, la relativité d'Einstein et plus généralement les théories physiques complexes sont accessibles à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas de formation scientifique solide. Je pense que les idées de base sont accessibles, évidemment. Après, non pas évidemment les détails techniques de fond, parce qu'en plus, là, évidemment, la science, à mesure qu'elle progresse, se spécialise de plus en plus, devient de plus en plus technique, son langage devient de plus abstru, et donc pour aller réellement au fond des choses, c'est pas à la portée du grand public, mais les idées principales sont réellement à la portée du grand public. Sinon, je ne m'aurais pas donné tant de mal ou de plaisir, c'est selon, à écrire autant d'ouvrages, essayant justement d'expliciter les idées de base de la relativité générale, mais souvent avec des images parfois poétiques, des métaphores, hein. Je veux dire, le mollusque, l'espace-temps, les courbures, les formes de l'univers, etc. Bon, évidemment, tout ça, ce sont des images du vocabulaire français, sympathiques, des métaphores qui ne rendent que très partiellement compte. Pareil avec l'univers chiffonné, les crêpes stellaires, ça ne rend que très, très, très partiellement compte, évidemment, du détail technique qu'il y a derrière. Mais ce sont des théories magiques de la relativité générale, hein, découle, qui au début, effectivement, a posé beaucoup de, a suscité beaucoup de scepticisme de la part, y compris des meilleurs scientifiques et des contemporains d'Einstein, parce que je me souviens bien dans cette émission que j'ai réécouté, à un moment Marc dit quelque chose dit quelque chose de que je trouve très juste. Il dit qu'en fait ce qui est difficile, c'est pas tellement d'apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est de renoncer à ce que l'on croyait, à ce que l'on pensait. Je trouve ça très très juste. Et donc effectivement, beaucoup de résistance qu'il y a eu à l'idée de la relativité générale, l'espace-temps courbe, expliquer la gravitation non pas comme une force d'attraction universelle à la Newton, mais en termes d'une courbure de l'espace-temps. Et puis après, évidemment, ça débouche sur les modèles du Big Bang, ça débouche sur les trous noirs, ça débouche sur les ondes gravitationnelles, des choses qui n'étaient pas imaginables du temps de Newton. Voilà. Et donc si ça suscitait autant de résistance, c'est parce qu'effectivement il y avait une façon de penser l'univers, et même Einstein était en partie imprégné, pour certaines des applications de la relativité générale, de certaines façons antiques de penser l'univers qui forment obstacle à accepter. Moi, dans ma jeunesse, j'avais finalement la chance de pas être vraiment imprégné ou de ne pas avoir d'idées préconçues. C'est pour ça que la première fois que j'ai ouvert un bouquin où j'ai entendu parler de la relativité générale, d'espace temps courbe, ça m'a paru complètement naturel. Et si je dis ça, je pense que c'est important dans l'éducation et l'enseignement de la physique à l'école. Je pense qu'au lieu de, évidemment, il faut déformer les maîtres pour ça, ce qui n'est pas facile, mais au lieu de commencer à parler de la physique en reprenant un petit peu le cours de l'histoire, etc., et puis finalement, on arrive à parler des théories d'aujourd'hui que dans les degrés les plus élevés de l'université. Moi, je pense qu'il faudrait commencer par faire l'inverse. Et je le vois, moi, quand j'en parle, parfois, je vais dans des collèges, dans des lycées, je parle tout de suite d'espace-temps courbe, de mollusques d'espace-temps, etc., et les enfants sont fascinés. Et après, on peut leur expliquer que la physique de tous les jours qu'ils apprennent, ce ne sont que des approximations de cette chose-là. Autre émission qu'on va pouvoir écouter dans la première partie de cette nuit, c'est une émission sur le thème du Big Bang. En 1996, Marc Lachaiseraie, encore lui, était l'invité de Michel Cazenave pour expliquer l'histoire de cette théorie. C'est un thème, le Big Bang, auquel vous vous êtes vous-même beaucoup intéressé. Jean-Pierre Luminet, vous êtes notamment l'auteur d'un livre très éclairant à ce sujet qui s'appelle « L'invention du Big Bang ». C'est une théorie, c'est peut-être l'une des théories d'astrophysique les plus célèbres et en même temps, elle est l'objet de beaucoup de malentendus. On croit savoir de quoi il s'agit, mais en fait, on se trompe, dites-vous, dans cet ouvrage sur le Big Bang. Oui, parce que généralement, on associe le Big Bang à un récit sur les origines du monde. Et là, évidemment, on tombe dans le sujet l'un des plus vertigineux problèmes que l'humanité se pose depuis toujours, trouver une sorte de système général qui expliquerait la formation du monde. Hein. On est dans le domaine donc des cosmogonies. Les cosmogonies, effectivement, ça veut dire effectivement la génération gonos du monde qui est le cosmos. Voilà. Et on remarque effectivement, donc finalement, la cosmogonie et la cosmologie existent depuis que l'humanité essaie de penser l'univers, parce que là, à nouveau, c'est un archétype de la pensée que d'imaginer notre origine. Et donc, ça a commencé par des récits mythiques, les légendes sur la création de l'univers. On ne trouve aucune culture, aucune civilisation qui ne commence pas, ou aucun récit mythique, mythologique, voire religieux, qui ne commence pas par une hypothèse sur la formation du monde. Et bien là, évidemment, alors il est assez fascinant, effectivement, d'explorer tous ces récits, puis d'explorer l'évolution de la pensée à travers les siècles sur ces récits cosmogoniques, ces récits de la formation du monde, soit de l'univers dans son ensemble, ce que seule la théorie du Big Bang est capable de faire, ou soit avant la formation des objets qui sont dans l'univers, par exemple la nébuleuse primitive de Laplace, qui commence par imaginer la formation des mondes tels que le Soleil, les systèmes solaires, et ainsi de suite, plus tard la formation des galaxies. Alors évidemment, il y a un fossé entre, comment dire, ces fables de la prime enfance de l'humanité, représentées par les légendes, aussi fascinantes soient-elles, et puis évidemment les tentatives de reconstitution moderne, la cosmologie relativiste, précisément les modèles du Big Bang, qui sont à la fois incroyablement ambitieuses, beaucoup plus ambitieuses que tout ce qui avait été fait. Elles restent prudentes parce qu'on reste dans la démarche scientifique, puisqu'elles sont effectivement établies aussi sur une masse énorme de données expérimentales qui contraignent évidemment l'imagination, la construction des modèles, et elles mettent en œuvre après de façon très subtile des données très abstraites venant des mathématiques, de la physique fondamentale et de l'astronomie. Donc oui, c'est un sujet absolument fascinant et capital qui s'est essentiellement développé effectivement à partir des années, sur le plan scientifique, réellement, c'est devenu scientifique à partir seulement des années 1920. Jean-Pierre Luminet, il faut qu'on aborde l'autre champ, l'autre domaine qui vous occupe beaucoup. Je veux parler de celui de la création artistique. Parmi vos activités artistiques qui sont nombreuses, l'une occupe une place de choix, c'est la poésie. Vous avez publié plusieurs recueils, notamment Noir Soleil et Itinéraire Céleste, tous deux parus il y a quelques années au Cherche Midi. Vous avez souhaité donc que la poésie soit présente au sein de cette nuit. Vos suggestions en ce sens étaient nombreuses. On écoutera deux poètes dans cette nuit. Le premier n'est pas seulement un auteur que vous chérissez, c'est aussi l'un de vos amis, je crois. C'est Jacques Reda. Comment est-ce que vous l'avez connu et quel est votre rapport à sa poésie? Alors, bon, mon rapport à la poésie est très ancien, puisque j'ai commencé à écrire des poèmes sur des cahiers quand j'avais 12 ans, etc. Voilà. Et pendant très longtemps, j'avais une attitude assez schizophrénique entre la pratique à l'écriture poétique et la lecture de ce que j'aimais en poésie, et puis l'aspect scientifique, enfin ce que j'ai plus tard appelé la poésie, la poésie scientifique. Donc je faisais vraiment une séparation complète entre ces deux façons de penser le monde. J'ai toujours en tête cette phrase très belle de Gaston Bachelard qui parle du double infini du cosmos et de l'âme humaine. Et donc pour moi, voilà, ce sont des choses qui ne devaient pas être mêlées. Et puis, comme je le raconte dans la préface d'un de mes ouvrages qui s'appelle « Les poètes et l'univers », mon éditeur poétique de cette époque, qui s'appelait Jean Rizet, que j'aime beaucoup, il m'avait dit « Mais en fait, si tu explores un petit peu le corpus de la littérature de toutes les époques, de toutes les cultures, de tous les pays, tu verras que les plus grands poètes se sont interrogés à leur façon sur l'univers, non pas dans des poèmes bébêtes, un alexandrin qui glorifie le nom des étoiles avec des majuscules, mais vraiment une pensée très profonde, faisant à part appel également à l'intuition du poète, et ainsi de suite. Et je m'en suis lancé là-dedans, effectivement, et j'ai publié cette anthologie en 96, et j'ai découvert effectivement un corpus de textes absolument magnifiques de toutes les époques et de tous les pays. Alors après, donc c'est ce qu'on appelle la poésie scientifique, qui peut être à la fois une poésie d'ordre didactique, en doublant la parole du savant, en la mettant en vers, voilà. Bon, a priori, c'est pas la forme préférée, mais il y a quand même quelques chefs-d'œuvre, notamment la nature des choses de Lucrèce, auquel d'ailleurs j'ai rendu hommage dans un de mes plus récents recueils, qui s'appelle également La nature des choses. Voilà. Quand on passe également au mouvement de la Pléiade, du Bélé, Ronsard, etc., qui était une défense illustration de la langue française, en faisant intervenir, en rénovant la langue française, en lui incorporant des termes venus de la science de l'époque, et ça s'appelait la Pléiade, c'était pas pour rien, hein, c'est le nom effectivement de cette étoile. Et finalement, je me suis aperçu en explorant la poésie contemporaine, la poésie du XXe siècle, qu'il y avait une sorte de renaissance de la poésie scientifique à partir des années 1950. À peu près, il y avait un texte un peu fondateur de Francis Ponge qui s'appelle Le texte sur l'électricité, qui appelle les poètes d'aujourd'hui et de demain à renouveler effectivement également le langage, comme l'avaient fait les poètes de la Pléiade, en les enrichissant des nouveaux concepts de la science. Et les membres de la Pléiade, contemporaine, c'est Jacques Reda, c'est Raymond Queneau, c'est Roger Caillois, c'est Charles Dobzinski, et c'est un certain nombre de poètes, J'ai eu la chance de les rencontrer, notamment Charles Dobzinski, et puis Jacques Reda, qui est devenu effectivement un ami, et qui a donc publié, je crois qu'il en parle dans ses émissions, des volumes, des recueils de physique amusante, ce qu'il appelle la physique amusante, il raconte la science qu'il perçoit de son temps à travers la lecture d'ouvrages de vulgarisation, donc il avait lu les miens, c'est pour ça qu'il m'avait contacté, et donc il m'a même dédicacé le deuxième tome de la physique amusante, ce qui m'a fait très très plaisir, à sa façon, une façon très pertinente à la fois de comprendre la science, mais également une façon impertinente, et c'est ça que j'aime beaucoup, que l'on retrouve également chez Raymond Queneau, essayer d'écrire effectivement un Rerum Natura moderne, mais avec tout le recul que l'on peut avoir sur les limitations de la parole du poète par rapport à la réalité scientifique, et qui est trop complexe et qui ne peut que leur échapper. Effectivement, Jacques Reda était donc l'invité d'Antoine Perrault, l'émission qu'on entendra tout à l'heure, dans Tire ta langue, pour l'apparition, à l'occasion de l'apparition du troisième volume de La physique amusante. Et puis l'autre poète qu'on écoutera, c'est Raymond Queneau, vous en avez parlé. Dans une émission de 1950, il était l'invité de Georges Ribemont de Seigne. Et pour conclure l'entretien qu'il lui accorde, il cite quelques vers de sa petite cosmogonie portative, un poème qu'on trouve dans votre anthologie, Les poètes et l'univers et que vous aimez beaucoup, je crois. Dans cet entretien, Queneau dit que lui ne conçoit pas de poésie écrite simplement pour être lue. Autrement dit, que lui a besoin d'écrire des poèmes dont il sait qu'ils pourront être lus à haute voix. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête quand vous écrivez, vous, des poèmes? Ah, c'est même absolument fondamental. La musicalité du poème, bah ça, c'est vient aussi de ma passion absolue pour la musique. Et pour moi, le poème, avant d'être publié, lorsqu'une fois qu'il est écrit, il faut impérativement le lire. Et à la lecture, on va comprendre qu'il faut changer des choses, qu'il faut élaguer. En tout cas, quand on est très attaché à cette musicalité. Donc, ce recueil de Queneau, bon, Queneau, il est connu évidemment pour Zazie dans le métro, bien entendu. Bon, il m'a intéressé aussi parce que ça a été un des premiers à tenter d'appliquer des règles mathématiques pour la construction d'œuvres littéraires, puisqu'il a fondé l'ouvroir de littérature potentielle, l'Oulipo et François le Lyonnais. Il a fait son livre objet, 100 000 milliards de poèmes. Là, vous avez 10 feuillets découpés en 14 bandes avec un vers chacun. Et quand vous faites toutes les combinaisons possibles, vous trouvez 10 puissance 14, c'est-à-dire 100 000 milliards de poèmes différents, fondés simplement sur 14 vers, mais mis dans un ordre différent. Et à chaque fois, ça change le sens. Donc, il aimait beaucoup jouer avec ces choses-là. Et alors là, moi, je trouve que la petite cosmogonie portative, c'est réellement son chef-d'œuvre, même si c'est très peu connu. Mais enfin, quelques grands écrivains l'ont reconnu. Italo Calvino, il a dit que c'était l'un des tours de force le plus extraordinaire de la poésie du XXe siècle. Hein. Il refait un petit peu à sa façon ce qu'avait fait Lucrèce dans la nature des choses, mais à sa façon ironique. Mais malgré tout, il avait intégré une somme de connaissances extraordinaires sur l'état de la physique et des sciences naturelles de son temps, puisqu'il fait allusion à la théorie de l'atome primitif de Lemaître. Moi, j'ai relevé, j'ai consacré une série de billets de blog à une analyse assez fouillée, effectivement, de la petite cosmogonie portative de Raymond Queneau. À un moment, notamment, il parle de... il a un distique, dit « hyper leur quatre trucs, éclatement burlesque, atome suffisant, atome gigantesque ». Alors évidemment, quand on lit ça, on ne comprend rien, sauf si l'on sait que aujourd'hui, le Big Bang prédit qu'au tout début de l'univers, il y a eu peut-être une force unique qui a éclaté en quatre forces différentes, qui sont les forces que l'on connaît aujourd'hui, et qui ont donné, à partir de l'atome primitif, l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Intuition du poète. Ou comment les poètes, effectivement, sont souvent en avance sur la science. Jean-Pierre Luminet, on se retrouvera tout à l'heure pour évoquer la suite de vos choix d'archives, mais pour le moment, place aux quatre émissions qui vont donc ouvrir la nuit. On écoute Jacques Reda au micro d'Antoine Perrault en 2014, Marc Lachiezeray à propos du Big Bang dans Perspectives scientifiques en 1996, Raymond Queneau donc au micro de Georges Ribemont de Seigne en 1950 et enfin Sciences publiques par Michel Albert-Gonti, une émission de 2015 qui avait pour ambition de nous faire comprendre la relativité générale. Thank you.